بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله en cette nuit du 2 Ramadan 1441 qui correspond au 24 avril 2020, je fais un rappel à moi-même ainsi qu'à mes frères et à mes sœurs concernant la venue de ce noble mois de Ramadan qui est cette année particulier. Les mosquées sont fermées, donc pas tarawih en commun dans les mosquées. Et nous devons rester confinés chez soi. Et là, ça peut être une grande miséricorde pour nous si on utilise ce temps et cette période du confinement durant ce mois dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et si on s'attelle comme il se doit à faire soumettre notre nefs à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, soumettre notre nefs à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée à l'adresser, nous sortirons bi'idhnillahi azza wa jal de ce confinement renforcé et avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et beaucoup de leçons. Mais si on se laisse aller à faire n'importe quoi et à dire n'importe quoi et à être négligent, nous allons sortir avec aucun résultat, nous allons vers notre faillite et vers notre perte. Écoutez ce que dit notre messager alayhi salatu salam dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Ni'matani maghbunun fihima katirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dans ce noble hadith de notre messager alayhi salatu salam, il est dit il y a deux bienfaits que beaucoup de personnes perdent et dilapident et ne les apprécient pas à leur juste valeur. La santé et le temps libre. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, et on sait très bien que le commerçant doué de raison ne dilapide pas son capital. Dans le hadith, il parle de rubn, c'est-à-dire de faillite. C'est-à-dire, le rubn, c'est le fait de perdre le capital et le capital et le bénéfice. Hein? Et donc, le doué de raison, parmi les commerçants, essaye par tous les moyens de ne pas perdre le bénéfice. Qu'est-ce qu'il en est du capital? Alors, attention, nous devons faire très attention à cette expérience du confinement, qui ne soit pas perdu dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Car en tant que soumis à Allah, nous devons, que ce soit pendant les périodes normales ou les périodes difficiles et particulières, se conformer à ce que veut de nous Allah Azza wa Jal. Et qu'on sache, frère, Allah Azza wa Jal, l'ennemi ne dit jamais, l'autre se lève toujours. Et cette épidémie ne va pas durer. Il a un moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il va la lever. Et il faut savoir à travers l'histoire de cette communauté musulmane que toutes les épidémies qu'a subi cette communauté musulmane, ils ont débuté, ils ont eu une fin. Comme celui-là, il a débuté, il a une fin. On sera préservé ceux qui sont, que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu qu'ils soient préservés. Il sera touché par cette épidémie, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils soient touchés. Mais nous devons utiliser les moyens pour se préserver, comme le confinement et autres, et toutes les précautions hygiéniques et ainsi de suite. Il faut savoir que dans l'histoire d'épidémie qu'a subi la communauté, l'âge de cette épidémie varie entre 3 mois jusqu'à 7 mois. Certaines épidémies ont duré 3 mois, d'autres ont duré plus, 5 mois, d'autres ont duré jusqu'à 7 mois. Donc, peu importe le temps que ça va durer, il faut savoir qu'est-ce que nous faisons de ce temps. Est-ce que ce temps va devenir une miséricorde pour nous, et qui va être pour nous une preuve pour nous, ou là il devient quelque chose, une preuve contre nous. Nous devons faire très attention, surtout que nous on rentre dans une période bénit min Allah Azza wa Jal, et dans une saison qui a beaucoup de mérite, qui est le mois de Ramadan. Sa journée, ses nuits sont pleines de bénédictions, pleines de mérites. Et qu'on fasse attention qu'on ne perd pas, qu'on ne passe pas à côté de ses mérites en étant libéré de toute fonction et en étant à la maison avec sa famille, avec ses enfants, et qu'on ne passe pas ce temps dans n'importe quoi, et à faire n'importe quoi, et à ziyuter n'importe quoi, et à manger n'importe quoi, et etc. Ceci dit, ô noble frère, au début de cette rencontre, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous la bénisse et qu'il soit un acte d'obéissance qui nous rapproche d'Allah azza wa jal. Je me félicite et je félicite mes frères et sœurs en Allah d'être dans ce noble mois de Ramadan. Ce mois plein de bénédictions et ce mois plein de biens. Allah azza wa jal durant ce mois a descendu le Coran comme guidé, comme éclaircissement de la voie et comme discernement entre le vrai et le faux. Il donne le discernement adéquat pour faire la part des choses entre le vrai et le faux, entre l'égarement et la guidée. C'est un noble mois dont les bienfaits et les bénédictions sont immenses. Et c'est le seul mois désigné dans le Coran, dans la parole d'Allah, par son vrai nom, par son nom propre, Ramadan. Sinon, certains mois sont désignés. Allah, il a dit, il y a 12 mois dans l'année. Et il a dit, dans ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Il les a désignés avec leurs caractéristiques et avec leurs spécificités, tout simplement. Mais le mois de Ramadan, il l'a nommé de par son nom. Hein? Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, félicitait ses nobles compagnons, ridwanullah alayhim, quand arrive ce mois. Il est rapporté dans ce hadith authentique, authentifié par Sheikh Nasr Din Albani, rahmatullah alayhi, dans Sahih Targhib wa Targhib, le messager a dit, قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانِ شَهْرٌ مُبَارَكٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيهِ كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Dans ce noble hadith de notre message عليه الصلاة والسلام, il dit, le mois de Ramadan est venu, un mois plein de bénédictions, plein de biens. Allah a ordonné de le jeûner. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, et les chayatines, et ils sont enchaînés, et une des nuits de ce mois vaut mieux que 1000 mois. Celui qui est privé du bienfait de cette nuit, il a été privé d'un grand bien. Il fait partie de ceux qui sont privés de l'énorme bien. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف قال بعض العلماء هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين من أين يشبه هذا الزمان زمان انتهى كلامه رحمه الله ابن رجب رحمه الله a dit dans la taif ou le ma'arif, certains savants ont dit ce hadith, c'est-à-dire le hadith qu'on vient de citer, ce hadith est une base et une preuve que les gens se félicitent mutuellement de la venue de Ramadan. Il dit, rahimahullah, comment ne pas annoncer aux croyants l'ouverture des portes du paradis? Comment ne pas annoncer aux désobéissants la fermeture des portes de l'enfer? Comment ne pas annoncer aux doués d'oraison le moment où Shayatin sont enchaînés? Quel temps ressemble à celui-ci? Et en parlant du temps du mois de Ramadan, dans lequel il y a ces grands bienfaits, l'ouverture dès la première nuit des portes du paradis, elles ne seront pas fermées jusqu'à la fin du mois de Ramadan, ainsi que la fermeture des portes de l'enfer. Shayatin sont enchaînés. Quel temps ressemble au mois de Ramadan, comme il a dit Rahimahullah. Hein? Aucun temps ne leur ressemble dans cette spécificité et dans ce grand bienfait. Cette phrase, le mois de Ramadan est venu, qad ja'akum Ramadan. C'est une phrase qui annonce la bonne nouvelle. Et c'est une phrase de félicitation avec laquelle on se félicite. Car les croyants espèrent avec une grande envie et un grand espoir l'arrivée du mois de Ramadan. Ils tiennent ardemment à ce noble mois de Ramadan. Car ils savent les bienfaits de celui du mois de Ramadan. Et parce que durant le mois de Ramadan, la foi augmente et les croyants vivent un apaisement particulier. Ce sont des sensations et des sentiments que les croyants vivent durant ce mois de Ramadan. Ce mois particulier. Et vous voyez autour de nous, même les désobéissants, même ceux qui sont négligents dans leurs prières, etc., sont négligents sur certains points de la religion, regardez comment ils sont réjouis, ils sont contents de l'arrivée du mois de Ramadan, comment ils se préparent, etc. Hein? Pourquoi? Parce que tout croyant, même avec une foi faible, sait et sent le bienfait du mois de Ramadan, au niveau de la foi, au niveau de son corps, au niveau des sensations et de la sensibilité intérieure qu'il ressent et qu'il vit. Il est rapporté par Tirmidhi, un hadith authentifié par Cheikh Nasr Abdil Albani, rahmatullah alayhi, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, « An Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Et donc la traduction approximative du sens de ce verset authentifié par Cheikh Nasr Abdil Albani rahmatullah alayhi dans Sahih al-Tirmidhi, Abu Huraira dit, quand vient la nuit du mois de Ramadan, c'est-à-dire la première nuit qui est pour nous celle d'hier, qui est pour nos frères au Maroc celle de ce soir, dit qu'on vient la première nuit du mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et celles de l'enfer sont fermées, se ferment. Shayatin ainsi que ceux qui dépassent leurs limites parmi les jeunes sont enchaînés. Le marada qui dépasse leurs limites parmi les jeunes sont enchaînés. Et un crieur annonce, ô toi qui veux le bien, accours. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Et chaque nuit, durant ce mois, Allah sauve des gens de l'enfer. Écoute ça, Akhal Islam. Chaque nuit, le crieur annonce, ô toi qui veux le bien, accours vers le bien. Tu es dans une saison de bien. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi, arrête. prophète. Et chaque nuit, durant ce mois de Ramadan, Allah il sauve des personnes du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui vont être sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan. Durant les nuits de ce mois de Ramadan. Les savants ont déduit de ce hadith 5 immenses mérites et 5 immenses spécificités qui concernent ce mois de Ramadan. Mais ce ne sont pas les seuls mérites et les seules spécificités de ce mois. Ce mois, il est plein de biens, plein de bénédictions. Il y a d'autres spécificités et d'autres mérites qui sont cités dans d'autres hadiths. La première spécificité dans ce hadith, il est dans la parole de notre messager, alayhi salatu wassalam, qui a dit quand vient la première nuit de ce noble mois, les shayatin, ainsi que le marada, des jeunes, c'est-à-dire ceux qui dépassent leurs limites parmi les jeunes, sont enchaînés. Et cela veut dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils faisaient en dehors du mois de Ramadan. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils faisaient pendant le mois de Ramadan. Et il est déterminé que celui qui est enchaîné ne peut pas bouger et ne peut pas être libre dans ses mouvements. Donc, durant ce noble mois de Ramadan, les shayatin sont enchaînés et maradat al-jinn aussi. Donc, leur mouvement, il est limité. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils pouvaient faire en dehors du mois de Ramadan. Yaqul ibn Baz rahimahullah, pour nous montrer la différence entre le malada et le jinn. Yaqul inna ash-shayatin yakununa min al-jinn wal-ins wa hum al-malada al-muta'adduna li hududillah wash-shaytan alladhi huwa abu al-jinn huwa ra'suhum wa hakadha man tamarrada min dhurriyyatihi wa ta'adda al-hudud. Donc, dans les fatawa, Nour al-Darb, Ibn Baz, rahimahullah, de nous dire, shayatin, ce sont des jinns, sont composés de jinns et d'humains. Il y a des shayatin parmi les humains, comme il y a des shayatin parmi les jinns. Et ceux-là, il dit, rahmatullah alayhi, ce sont le malada. C'est-à-dire les rebelles. Ceux qui dépassent les limites d'Allah. Et shaytan, qui est le père des jinns, c'est leur tête, c'est leur chef. Il en est de même de tous ceux qui dépassent leurs limites parmi sa descendance, ce sont des shayatin. Fin de citation des paroles d'Ibn Baz dans ses fatawa Nour al-Darb. Les savants disent que plus la personne jeûne, plus il est épargné de shayatin. C'est la personne jeûne constamment. Un jeûne conforme à la sunna, il est protégé des shayatin. Et il est déterminé aussi que l'enchaîné n'arrive pas à bouger et à faire, il n'arrive pas à faire certains mouvements qu'il avait l'habitude de faire. Les chaînes le limitent ses mouvements. Et donc, prenez un exemple par exemple, regardez ce qui se passe dans certains quartiers, que ce soit en France, que ce soit ailleurs en Afrique du Nord, comme dans une ville. On attrape tous les boss de la drogue. Le mouvement et la circulation de la drogue diminuent. Des fois, elle disparaît complètement. Parce qu'ils sont enchaînés, ils sont enfermés, ils sont emprisonnés, ils sont en prison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les égarés de cette communauté. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve la jeunesse musulmane de ces poisons qu'on leur vend et qu'on leur propose. Donc, frère en Allah, azzawajal, plus la personne les hommes de science disent, plus la personne jeûne, plus il accomplit des obéissances, cela le protège et le préserve avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de shayatin. C'est pour ça que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit faire des efforts sur son nefs, sur son âme, pour obtenir les récompenses et les bienfaits du jeûne, et tout ce qui en découle comme bénédiction et comme bien. Le jeûne, ce n'est pas tout simplement s'abstenir de boire et de manger. Cela fait partie du jeûne. Mais la situation du jeûne est plus grande et plus importante. Il ne se limite pas tout simplement à cette abstinence concrète, qui est le fait de s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports avec son épouse et ainsi de suite. Mais il concerne l'abstinence abstraite, qui est très importante. Il est dit dans le hadith, rapporté par l'imam Bukhari, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu arda, qui a dit que le messager alayhi salatu salam a dit, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Écoutez ce noble hadith. Celui qui ne délaisse pas les paroles de zour, zour, le faux témoignage, la musique et les chansons, hein, le mensonge, la tromperie, et ainsi de suite. Celui qui ne délaisse pas le mensonge, le faux témoignage, le colportage, la médisance, la tromperie, et qui met tout ça en application, il ne le délaisse pas, Allah n'a nullement besoin qu'il s'abstienne de boire et de manger. La parole est celle du véridique qui n'a dit que la vérité. Donc attention à ne pas dénigrer notre jeûne avec, hein, en détruisant sa valeur et ses récompenses, et en donnant ses récompenses à autrui, avec la médisance, avec le colportage, avec le fait de zioter n'importe quoi, avec le fait d'entendre n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Car le but du jeûne, c'est d'éduquer l'âme et de soumettre l'âme au bon comportement et de soumettre l'âme à l'obéissance à Allah et à la patience pour ne pas transgresser les lois d'Allah. Et c'est aussi pour freiner l'âme, freiner les désirs de l'âme et de ses tentations, et hein, mettre des limites à ses penchants vers le mal et vers ce qui est interdit. Le jeûne éduque sans aucun doute. Regardez ce qu'il dit dans le verset. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci. Ô vous qui avez cru, il vous a été fait obligatoire le jeûne, comme il a été fait obligatoire à ceux qui vous ont précédé pour que vous atteigniez taqwa. Taqwa, comme vous le savez, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve, en espérant les récompenses d'Allah et en ayant peur du châtiment d'Allah azza wa jalla. Et taqwa, on ne peut pas l'atteindre avec la médisance. On ne peut pas l'atteindre en étant en état de jeûne, en médisant, en colportant, en regardant des feuilletons, en zutant n'importe quoi sur son téléphone, en écoutant n'importe quoi, en faisant des blagues, en envoyant, en propageant n'importe quoi. Abadan. On ne peut pas avoir à atteindre les hauts degrés de taqwa. Dans ces cas-là, avec toutes ces choses, ces mauvaises choses citées, notre foi va diminuer. Et notre provision de taqwa va diminuer aussi. Donc cette noble adoration qui est le jeûne a été légiférée pour ses effets bénéfiques. Et parmi celles-ci, c'est de protéger le soumis avec l'ordre d'Allah et Shayatin. Car Shaytan circule dans la descendance d'Adam comme le sang circule dans ses veines. Et quand le soumis à Allah jeûne, il rétrécit la circulation du Shaytan cité dans le hadith. Donc il faut bien s'occuper de cette noble adoration et bien l'accomplir Il veillait à la préserver et à ne pas la dénigrer. Il n'y a aucun doute que les gens, dans leurs actes d'adoration, ne sont pas au même niveau. Dans leur jeûne aussi, ils ne sont pas au même niveau. Même s'ils s'abstiennent tous de boire et de manger, de l'apparition de l'œuf véridique jusqu'au coucher de soleil, ils ne sont pas au même niveau. Et cela est prouvé par ce hadith rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah. On demande au prophète alayhi salatu wassalam, أَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَكْفَرَهُمْ لِلَّهِ ذِكْرًا. On pose la question au prophète alayhi salatu wassalam, quels sont les jeûneurs qui ont le plus de récompenses? Il a dit ceux qui invoquent Allah beaucoup. Et dans le hadith il est long, le prophète a été questionné sur les meilleurs prieurs, les meilleurs qui accomplissent le pèlerinage et ainsi de suite, et les meilleurs combattants, et il a répondu ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Donc frères en Allah azza wa jal, si on perd notre temps à propager n'importe quoi, à faire des blagues, à dire n'importe quoi, à zuter n'importe quoi, quand est-ce qu'on va invoquer Allah? Hein? Comment on va être parmi les meilleurs jeûneurs si on ne passe pas notre jeûne entre la lecture du Coran, entre les glorifications d'Allah, entre les istighfar, entre l'imploration à Allah, entre les prières, et ainsi de suite? Et le fait, hein, d'aller donner à manger à ceux ou de porter de la nourriture à ceux qui n'ont pas les moyens durant ce confinement, et autres parmi les bienfaits d'Allah, comment on va être parmi les premiers, les meilleurs jeûneurs? Il faut réfléchir à notre capital, à ce temps que Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé, avec lequel il nous a comblé. Il ne faut pas qu'il passe comme ça à sa bahlala. Et qu'on n'ait pas profité, et qu'on n'a pas augmenté notre foi et notre provision de taqwa. Alors le temps qui passe est fini. On le rate, khlas. Aujourd'hui, pour nous, c'est le premier jour du Ramadan, khlas. C'est lundi, vendredi de ce mois, et le vendredi qui va arriver, ce sera le 8e, et ainsi de suite. Et chaque jour qui passe, il nous dit salam alaykoum, il nous quitte. Et il referme le manuscrit de nos œuvres, et il nous attend le jour de la résurrection devant Allah, pour témoigner de ce que nous avons fait. C'est maintenant que nous devons voir avec quoi nous remplissons les manuscrits de nos jours, et avec quoi nous voulons remplir les manuscrits de notre mois de Ramadan et des nuits de notre mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réussite à tous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les adorations. Donc les gens, frère en Allah, Azza wa Jal, ne sont pas au même niveau dans leurs adorations. Les gens sont à des degrés différents dans leur jeûne selon l'importance qu'ils donnent à l'invocation d'Allah. Il y a une grande différence entre celui qui veille la nuit à zioter n'importe quoi, et à écouter n'importe quoi, et à dire n'importe quoi, et après il dort, après l'apparition de l'aube jusqu'à dhuhr ou jusqu'à l'asr, ou qu'il ne se réveille que quelques minutes avant le coucher du soleil. Une grande différence entre lui et celui qui se penche sur le livre d'Allah, qui invoque Allah beaucoup. Il y a une énorme différence entre eux, leur jeûne et leur situation. Il n'y a aucun doute qu'au niveau des récompenses, il en est de même. Donc dans les adorations, il y a une différence entre les gens. Le jeûne, la prière, la zakat, le pèlerinage, le fait d'ordonner le bien, le fait de blâmer le mal. Les gens ne sont pas au même niveau. Écoute ceci dans la parole d'Allah. Qala azza wa jal, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc dans le verset, dans la traduction approximative, il est dit, et parmi eux, c'est-à-dire parmi les croyants, il y a ceux qui sont injustes avec eux-mêmes, à ceux qui se commettent des préjudices, en disobéissant à Allah, en faisant des péchés capitaux, en médisant, en colportant, et ainsi de suite. Ça, c'est une catégorie. Ceux qui sont injustes avec eux-mêmes. Et ceux qui sont modérés, c'est-à-dire ils sont modérés dans leurs actes d'adoration, ils accomplissent tout ce qui est obligatoire et ils s'éloignent de tout ce qui est interdit. Hein? Dans leurs adorations. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et il y a ceux qui accourent vers le bien par l'ordre d'Allah. C'est-à-dire, ils accourent vers le bien en accomplissant les obligations et les surrogatoires. Et en s'abstenant de tout ce qui est interdit. Et en faisant le maximum de s'éloigner de tout ce qui prévaut la colère d'Allah, Azza wa Jal. Donc, on est à trois catégories. Ceux qui se commettent des préjudices à eux-mêmes, en désobéissant à Allah, en faisant n'importe quoi, et en disant n'importe quoi, et ceux qui sont modérés, qui se limitent aux obligations, et qui ne font pas de péché, qui s'en éloignent au maximum, et il y a ceux qui sont sommés, qui accomplissent les obligations, et qui rajoutent à cela les surrogatoires. Et tout ceci, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la réussite. Donc nous devons assister auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ouvre la porte du bien et de l'adoration. Comme il l'a enseigné à Mu'ad ibn Jabal, il lui a dit, je t'aime ô Mu'ad, ne délaisse pas après la fin de chaque prière, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Ou Allah, aide-moi sur ton invocation pour que je t'invoque beaucoup. Et à te remercier, aide-moi pour te remercier, et aide-moi à accomplir les bonnes œuvres. Il n'a pas dit accomplir, mais il a dit accomplir les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, ce sont celles qui sont accomplies dans la sincérité et dans le suivi, conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, à ce que son messager veut. Et donc, cela, la différence entre les gens concerne toute la religion. Dans le jeûne, il y a ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, qui passent leur temps à faire n'importe quoi et à dire n'importe quoi, et à écouter n'importe quoi. Il y a ceux qui sont modérés, il y a ceux qui accouvrent le bien. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, il nous facilite l'accomplissement de ce qu'il aime et de ce qu'il agrée. Et le deuxième point à retenir, et le troisième point cité dans ce hadith, parmi les spécificités du mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et ne se ferment pas durant ce mois de Ramadan. Dès la première nuit du mois de Ramadan, les portes s'ouvrent et ne se ferment pas durant tout le mois. Et les portes de l'enfer se ferment dès la première nuit et ne s'ouvrent plus jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Cela nous prouve, comme disent les hommes de science, que Ramadan est un noble mois durant lequel il faut accourir vers les adorations. Et c'est une occasion et une saison qu'il ne faut pas rater. Les portes de paradis sont ouvertes. Il t'appelle, ya Abdallah, viens. Et les portes de l'enfer sont fermées. Abstiens-toi. Accours vers le bien et abstiens-toi de ce qui prévaut la colère d'Allah. Il dira, et on remarque tous comment les gens accourent vers les adorations durant ce mois. Et cela provient du fait que tout le monde est conscient de l'importance de ce mois et les jeunes et beaucoup de gens veulent obtenir leur part du bien et des mérites et des bénédictions de ce mois. Le messager alayhi salatu salam a cité par la suite dans ce hadith qu'un crieur annonce chaque nuit de Ramadan, dit la première nuit jusqu'à la dernière, « Ô toi qui veux le bien, accours, et ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. » Dans certaines versions de ce hadith, il a été rapporté que ce crieur c'est un ange à qui Allah a délégué cette fonction de faire cette annonce chaque nuit du mois de Ramadan, à partir de la première nuit du mois de Ramadan. Ô toi qui veux le bien, accours. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Alors, qu'on n'entend pas chaque nuit ce crieur annoncer cette annonce durant ce mois béni. Mais on y croit, et nous avons la certitude qu'il se fait chaque nuit de Ramadan, car il nous a été annoncé par le véridique qui n'a dit que la vérité et qui n'a jamais parlé sur l'effet des passions. Donc nous y croyons. Hein? Nous y croyons. Hein? Et que c'est une vérité. Parce que celui qui l'a annoncé ne parle pas sur l'effet des passions. Et il est obligatoire pour nous d'y croire d'une manière irréfutable et d'attester la véracité de cette annonce et la véracité de l'existence de ce créateur qui fait cette annonce chaque nuit de Ramadan, dès la première nuit de Ramadan. Parce que ça fait partie des choses de l'invisible, l'une des caractéristiques des croyants, c'est le fait qu'ils croient en l'invisible. Il faut qu'on arrive, mais il faut qu'on arrive chaque nuit à se présenter à l'esprit si t'appelle. Ô toi qui veux le bien, accours. Méditez cela, barakallahu fikoum. Méditez cet appel qui se fait durant toutes les nuits du mois de Ramadan depuis la première nuit. Hein? Il y a deux choses importantes dans cet appel. Les hommes de science ont déduit deux choses importantes. Une première chose, les prières nocturnes. Et ce qu'il contient comme invocation d'Allah, et comme lecture du Coran, comme glorification d'Allah, et comme différentes actions pour se rapprocher d'Allah. Et il y a aussi un autre grand bienfait, c'est le sommeil. Ce sommeil qui donne le repos au corps de l'être humain pour qu'il puisse gagner et profiter du mérite du jeûne et pour accomplir le jeûne et les différentes adorations en étant dynamique et plein d'énergie. Et la nuit n'est pas faite pour la passer à zioter n'importe quoi et à dire n'importe quoi et à passer dans des futilités. Là, il est à passer. Quand on veille une certaine partie de la nuit, si on la passe dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, prière nocturne, surtout que maintenant on est confiné à la maison. Hein? Et on peut aussi, durant ce mois, accomplir, hein, la prière de l'Isha à la meilleure des heures que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a désigné, qui est le milieu de la nuit. Hein? Et dans ces cas-là, on a le choix. Soit tout de suite après Salat al-Isha, on accomplit la sunna d'après l'Isha, et après on accomplit les prières nocturnes, soit on veut se reposer jusqu'au dernier tiers de la nuit, nous avons à le faire après se réveiller, et à ce moment-là, faire les prières nocturnes. Hein? On est confiné. Qu'on profite pour fortifier notre foi, pour purifier nos âmes, pour faire le maximum de provisions de taqwa. Chaque nuit, frère en Allah, Azza wa Jal, nous avons cet appel comme un rappel pour se préparer. Il faut que cet appel soit constamment présent à notre esprit. Ô toi qui veux le bien, accours. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. En méditant cet appel, ô toi qui veux le bien, et ô toi qui veux le mal, les hommes de science ont déduit cela, que les gens sont deux catégories. Une catégorie durant les nuits de Ramadan qui cherche à accomplir le bien. Et une autre catégorie, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, qui cherche à demander le mal et à chercher le mal. Certains, une catégorie est motivée pour le bien et d'autres sont motivés pour le mal. Le Créateur annonce chaque nuit, ô toi qui veux le bien, accours. Pourquoi? Car on est dans une saison qui est pleine de mérite. On est dans un mois et dans un moment plein de bénédictions et plein de biens. Et donc, si tu veux le bien, c'est le moment. C'est le moment d'accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Lorsque c'est le moment pour faire beaucoup de bonnes œuvres, pour t'octroyer par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala le bien qui découle des bonnes œuvres faites durant cette noble saison qui est la saison de Ramadan, la saison du jeûne. Et l'autre partie de l'appel dit, ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Pourquoi? Parce que tu es dans une noble saison. Une saison particulière. Car cet appel se fait car il existe une catégorie de gens qui cherchent le mal et qui désirent le mal. Et cet appel, si ils s'en rappellent, et s'il est présent dans leur esprit, cet appel vient pour leur dire, ô négligent, si tu ne retiens pas ton âme qui t'incite au mal durant cette noble saison du jeûne du mois de Ramadan, ils diront, ces nobles nuits de ce mois de Ramadan, quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas arriver à le faire? Si tu t'abstiens pas durant ce mois de Ramadan, où chaque nuit Allah sauve de l'enfer, des gens, quand est-ce que tu le feras? Chaque nuit Allah sauve des gens de l'enfer, quand est-ce que tu vas? Tu vas t'abstenir du mal. Comme si l'appel il vient pour nous dire, toi qui es dans le mal, regarde à côté du grand bien duquel tu passes. Allah, chaque nuit du mois de Ramadan, sauve des gens du feu de l'enfer. Accours vers le repentir. Accours vers l'accomplissement du bien. Accours vers la miséricorde d'Allah. C'est pour ça, frère Allah subhanahu wa ta'ala et sœur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est rapporté dans le hadith. Et voici la partie du hadith qui concerne notre sujet. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. Écoutez ce hadith qui est rapporté dans l'authentique du Tirmidhi, authentifié par Cheikh Nasser Abdil Albani rahmatullah alayh. Et je cite que la partie du hadith qui concerne notre sujet. Il est, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est avili celui qui vit le mois de Ramadan sans qu'il lui soit pas pardonné. Il est avili, rabissé celui qui vit le mois de Ramadan sans qu'il ne lui soit pas pardonné. Pourquoi? Pourquoi? C'est simple, l'islam. Il a vécu cette noble saison, cette saison méritoire, cette saison pleine de bénédictions, durant laquelle Allah sauve des gens de l'enfer. Le mois est venu, et le mois est parti, et lui il est resté dans sa négligence, il est resté dans sa désobéissance, il est resté dans sa débauche, il est resté dans ses innovations. C'est pour ça que celui dont l'âme l'incite au mal doit se présenter à l'esprit et se rappeler ce noble appel que nous a fait, qui se fait chaque nuit durant ce mois de Ramadan. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi, abstiens-toi. On doit se rappeler cet appel et le prendre comme remède. Et tout un chacun dont l'âme l'incite à faire le mal doit se rappeler ce rappel, cet appel, et le prendre comme remède pour guérir son âme. Pour guérir son âme, ou la soumettant à l'obéissance à Allah, et en la freinant devant ses désirs et ses tentations, et en la réprimandant, en se disant, si tu t'abstiens pas maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Si tu t'abstiens pas, alors qu'il y a, qu'Allah, chaque soir, pardonne, sauve des gens du feu de l'enfer, quand est-ce que tu vas? t'abstenir. Et ceci, frère en Allah, Azza wa Jal, est très important. Et vous savez tous que les ennemis d'Allah et les ennemis de cette religion, laïque et autres, les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur, vous savez le temps qu'ils donnent et les moyens qu'ils utilisent et l'argent qu'ils dépensent pour organiser et programmer, des programmes et préparer des programmes de débauche et de distraction futile pour le mois de Ramadan, pour détourner les musulmans des grands bienfaits de ce mois et pour leur faire perdre le bénéfice de ce mois. 6 mois avant, ils s'attellent et ils commencent à les préparatifs à l'avant, 6 mois à l'avant. Préparent les programmes, les feuilletons, les jeux, et ils excellent dans les manières pour détourner les jeunes de la religion et pour les attirer vers le mal et vers les futilités et vers les loisirs qui vont regretter le jour où ils vont retrouver Allah Azza wa Jal. Combien de temps notre jeunesse perd dans ces futilités qui vont leur prévaloir le châtiment d'Allah s'ils ne se repentent pas, car ils yotent le haram, ils écoutent le haram, ils jouent des jeux qui sont des jeux dans le haram. Et ces ennemis d'Allah préparent des programmes spéciaux Ramadan pour tous les âges, pour les jeunes, pour les vieux, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. L'essentiel, c'est qu'ils détournent les musulmans de l'obéissance à Allah et qu'ils leur diminuent, ou au moins qu'ils arrivent à leur diminuer leur récompense et à dénigrer leurs jeunes en les faisant écouter n'importe quoi, exulter n'importe quoi et jouer avec n'importe quoi. Et les jeunes devant ces tentations, et beaucoup de gens, c'est pas tout simplement les jeunes, il y a même dans les personnes d'un certain âge, etc. Avec tous ces programmes, ils sont démotivés. Et ils se détournent de la lecture du Coran parce que leur temps a été passé dans n'importe quoi. Il a des obéissances. Ramène certaines, donne une certaine ténèbre au cœur. Et donc, avec ces programmes, ils sont démotivés. Ils se détournent de la lecture du Coran, de l'invocation d'Allah, des prières nocturnes. Et ce n'est pas tout simplement sur les chaînes de télé. Ceci aussi sur Internet que nous avons entre les mains. Ces petits téléphones que nous avons entre les mains. Attention. Attention et attention, frères et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala. Frères en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne soyez pas laxistes à ce niveau. Ne soyez pas laxistes. En temps normal, qu'est-ce qu'il en est? En ce temps méritoire et en cette saison du jeûne, faut faire très attention. Il faut que vous soyez avare de votre temps. Il faut que vous préserviez votre temps. La 5e spécificité que les hommes de science ont déduit de ce hadith, c'est que le Rasoul alayhi salatu wassalam a annoncé dans ce hadith qu'Allah sauve des gens de l'enfer chaque nuit de Ramadan. Et ceci, frère en Allah, Azza wa Jal, ne doit pas nous échapper. Et nous devons l'avoir constamment présent dans notre esprit et œuvrer comme il se doit en espérant être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala sauvera dans les nuits du mois de Ramadan ou durant les nuits du mois de Ramadan. Et sauver de l'enfer, c'est une immense miséricorde. C'est un énorme mérite. Mais il faut faire les causes nécessaires pour être comblé par cette noble et énorme récompense et cette grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de se présenter cela dans l'esprit, hein, se présenter cela dans l'esprit durant chaque nuit de Ramadan, se présenter qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve des gens de l'enfer, cela doit nous motiver à nous perfectionner dans les bonnes œuvres et à les accomplir comme il se doit, dans la sincérité et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam, et à faire plus d'efforts que d'habitude, d'autant plus qu'on est confiné à la maison, et de demander à Allah et insister dans la demande d'être, de nous faciliter les bonnes œuvres et de nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres et de faire que nous soyons parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala sauvera durant les nuits de Ramadan. Le mois de Ramadan, ikhwat al-Islam, est un mois dont les biens sont immenses, impossible de les comptabiliser. Et Allah choisit ce qu'il veut. Et choisit ce qu'il veut. Hein? Il a choisi parmi les mois ce noble mois de Ramadan pour lui donner ses spécificités et ses mérites particuliers. Et parmi les terres, il a choisi la Mecque, Médine, et en troisième, hein, catégorie, Jérusalem, la mosquée, hein, de Jérusalem, hein, et il a choisi parmi les humains les prophètes alayhi salatu wassalam et les messagers, et il a fait que ceux qui sont doués de ferme résolution sont les meilleurs, et à la tête de tout cela, Muhammad alayhi salatu wassalam, hein. Et donc, nous devons prendre en considération tout cela, et que les mérites du mois, que nous passions pas à côté des mérites du mois de Ramadan. Fasa Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yarzuqana wa iyyakum al-ikhlasa fi al-qiyam wa al-siyam, wa nij'alana wa iyyakum min 'utaqa'ihi min an-nar fi hadha al-shahr al-karim. Wa asaluhu subhanahu wa ta'ala bi asma'i al-husna wa sifatihi al-'ula أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأله سبحانه وتعالى أن يخرج إخواننا من هذه الديار التي لا تدين بالإسلام سالمين غانمين وأن يثبت إخواننا وأخواتنا المهاجرين والمهاجرات في بلاد الإسلام أن يثبتهم على هجرتهم وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا